Une grosse dédicace à la mifa, cousin, cousine, refrain, tata, etc. Une dédicace au poteau de Mio, Carmo, Albi, Montpellier. Bref, partout où j'ai zoné, où mes sons ont résonné, où certains ont tenté de me raisonner. Là-haut quand j'ai sonné, on m'a ouvert à ceux qui parfois m'ont couvert, ou chez eux m'ont dressé le couvert. Aux vrais frères, aux gens sincères, flatteurs ou casseurs. Au passage, une grosse aux rappeurs, ceux de mon équipe, présents sur mes titres et sur mes disques. Et aux autres, à Siskasra et Narcos, en partie grâce à qui je cause et pose sur CD. Au scène partagé de mon parcours de la JC au concert MJC. Aux proches, vraiment proches, dois-je les citer? Tu sais, je suis pas si tendre, faut s'y attendre à ceux qui riment, triment, écrivent et décrivent leur vie, représentent leur ville ou en meurent d'envie. Une dédicace à ce présent, même dans l'ombre, à ceux qui m'écoutaient bien avant mon premier album, à ceux nombreux, trop nombreux, beaucoup trop nombreux, qui m'ont supporté bourré dans les soirées. Une spé, deux spi pour guide et ses races improvisées aux soirées où j'ai improvisé, où j'ai trottisé sans regret. Disons que dans 10 ans j'en parlerai encore de ces délires avec ou sans alcool, aux soirées PES, aux branlées prises et mises, à mes crises, aux gens connus dans ma jeunesse, d'hier à aujourd'hui pleine d'allégresse. Une grosse à Manu, aux gens que j'aime et qui me rendent l'appareil au moment même où j'apparais dans le rap sans paresse. À ce présent, quand ça va pas dans la déprime, leur nom est gravé dans ses rimes. À ceux qui, comme moi, ont un avenir incertain, putain, t'inquiète, la vie c'est dur, mais te prends pas la tête. Bref, à toi qui écoutes sans aucun doute, merci à plus. J'espère t'avoir pas trop saoulé, mec. Ouais, MIC, tu le sais, c'est. Bah alors, tu sais pas? Mec, ouais, MIC, tu le sais, c'est. Mais oh! Quoi, tu sais pas qui je suis encore? Oh oh! Eh, mec! Ou MIC, tu le sais, c'est. LERAC! LERAC, ouais. De 87 à 2008, hein. Le RAC. Avenir incertain. Avenir incertain. Incertain.